Voilà, ça, oui, voilà, ça marche. Je voulais vous demander en quelle année. J'ai besoin de quelques renseignements sur votre biographie. Quand est-ce que vous êtes né? En 1902, le 13 septembre. Ah, vous êtes encore plus âgé alors que. Ah non, il m'avait dit 94 ans, oui. Non, ça J'ai fait 14 94 ans, ans mais. depuis le 13 septembre, donc 94 ans bien sonné. Bien sonné, Oui. oui, voilà. Et vous êtes né au Pompidou même? Au Pompidou même, oui. Votre père était boulanger. Mon père était boulanger. Il D'accord. s'occupait en même temps de la propriété qu'on avait et il était boulanger. Il vendait aux gens du village et il faisait une tournée au Masbonnet pour les gens du Crouzet, du Créma et du Masbonnet. Une fois par semaine, il allait leur porter le pain. Ah oui. À ce moment-là, il n'avait pas de voiture, hein, d'automobile. Il y allait avec ce qu'on appelait autrefois une jardinière, des corbeilles de pain et son cheval. Ce n'est que plus tard qu'il a eu une voiture, beaucoup plus tard. D'accord. Et voilà. Et votre père donc il livrait du pain à quel Oui, il allait au Masbonnet. Au Masbonnet, au Créma, au Crouzet. Il faisait une tournée par semaine. Les gens achetaient leur pain le samedi jusqu'au samedi suivant. Vous voyez? Il chargeait sa carriole et il allait porter le pain. Il y avait au Masbonnet une personne qui tenait le dépôt de pain. À ce moment-là. Et puis, il vivait avec la boulangerie et la propriété quand même, parce que il avait une propriété, mon père, en même temps, que sa boulangerie. Et il faisait du pain de seigle, de froment, qu'est-ce que consommaient les gens? Ah, il faisait du pain de froment, du pain blanc, il faisait. Alors, il faisait plusieurs formes de pain, bien sûr, mais il faisait aussi ce qu'on appelait tous les mois ou tous les 15 jours, je ne me souviens plus exactement, ce qu'on appelait la fournée communale. C'est-à-dire que il chauffait le four et il enfournait le pain que des propriétaires pétrissaient chez eux et lui apportaient pour faire cuire. Ah oui. Et alors, je ne sais pas combien il leur prenait, parbleu. Ça devait se payer, ça, mais je me souviens, je ne sais pas combien, quoi. Alors, il y avait des gens qui faisaient 5 ou 6 pains, d'autres 3 ou 4. Ils les leur enfournaient, ils les cuisaient et ils les leur sortaient. Mais c'était eux qui faisaient leur pain parce qu'ils y mettaient du seigle. Ah oui. Comprenez? Oui. Ils achetaient un peu de farine, de la bonne farine, et puis ils récoltaient leur seigle. Et ils allaient le faire moudre à un moulin du côté de Saint-André-de-Valborgne. Ils apportaient leurs grains au moulin. Et puis avec leur farine de seigle qu'ils mélangeaient avec de la farine qu'ils devaient acheter à mon père. Ensuite, ils faisaient leur pain eux-mêmes. C'était les femmes d'ailleurs qui pétrissaient. Et je me souviens quand on faisait la fournée communale, ça s'appelait. Ah oui. Et c'était mon père qui leur cuisait le pain. C'était les femmes qui pétrissaient. Oui. Et puis alors dans certaines communes, dans certains hameaux, il y avait des maisons où il y avait le four, où ils avaient leur four, Ah oui. et où ils faisaient leur pain eux-mêmes. Par exemple, à quel endroit vous vous rappelez, où est-ce qu'il y a À des. la Loubière. À la Loubière. À la Loubière, il y avait plusieurs personnes. À la Loubière, oui, il y avait plusieurs personnes qui avaient leur four. Presque tous les foyers avaient leur four. Alors, ils récoltaient un peu de fromage, ou un peu de seigle, ils faisaient moudre leur farine, et ils avaient leur four dans la cuisine, près de leur foyer. Ils avaient un four pour eux. Et dans le village du Pompidou, il y avait des gens donc qui pétrissaient leurs pâtes et qui venaient cuire leur pain au four. Oui. Ça se faisait avant 1914, ça s'est plus fait après. La fournée commune, ça s'appelait. La fournée communale, Communale, oui. oui. D'accord. Mais ça s'est plus fait après. Il faisait un peu de pâtisserie ou de gâteau ou de. Ah, c'était à Noël, à Pâques et pour la fête votive. On faisait des coques, des brioches. vous savez, oui. Ce qu'on appelle des, maintenant, avec des coques, quoi. Ça avait quelle forme, c'était des brioches pour... C'était la forme des petits pains au lait de maintenant. Ah oui. Les petits pains au lait qu'on nous vend dans des sachets maintenant, oui, oui. Eh bien, ça avait un peu cette forme. C'était très gonflé, c'était... Comme les brioches des fêtes votives maintenant, seulement allongé un petit pain comme ça, vous voyez. Oui, oui. Alors, on en faisait 3 fois par an chez mes parents. À Noël, à Pâques, et puis pour la fête votive. Mais ça, j'en ai un souvenir très net. Je vous dirais même que je n'ai qu'à y penser pour sentir l'odeur de ces brioches. Mm-hmm. Parce que ça parfumait toute la maison. Hein. Mm-hmm. Toute la maison était parfumée avec ces brioches. Et je les revois encore dans les corbeilles quand mon père les sortit du four. Et ça, je n'ai un souvenir assez précis. Et pour la fête votive, il faisait que des petits pains au lait, il ne faisait pas des brioches plus grosses, ça se faisait pas. Ah, il faisait des grosses brioches aussi. Ah, aussi, oui. Et oui, on faisait ce qu'on appelait le gâteau de la fête, hein, qu'on allait porter dans les maisons, comme on fait maintenant. Ah, oui. Maintenant. Il avait quelle forme ce gâteau de la fête? Il était... Les couronnes. Une grande couronne. Une couronne. Il avait la forme d'une couronne. C'est ça qu'on appelait la coque. Et quand elle était plus petite, qu'elle était à peu près comme ça, qu'elle était, non pas arrondie, mais allongée un peu. Et bien gonflée, comme les petits pains au lait de maintenant, mais un peu plus grosse. Ça s'appelait une coque. Ah oui. Ça, oui. Et le gâteau de la fête, c'était la brioche, comme on l'a fait maintenant, peut-être un peu plus grosse, un peu plus... Mais en fait, c'était le genre, quoi. C'était les seuls gâteaux qui faisaient. Ou alors les tartes aux prunes l'été. Mm-hmm. Faisaient des tartes aux prunes quelquefois l'été, oui. Ou même les gens faisaient des tartes aux prunes et lui demandaient la permission de le cuire dans le four aussi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des particuliers qui faisaient des tartes et qui lui demandaient de les cuire à mon père. Alors ça, il le faisait. C'était monnaie courante, les tartes l'été. Mais il n'en vendait pas. Il n'en faisait pas pour vendre. Il en faisait pour nous. Il nous faisait des gâteaux pour nous. À nous, il nous faisait des gâteaux.